Bureau Vallée, encore à vos côtés. Nos magasins sont ouverts. Nos équipes vous conseillent pour vos besoins de papeterie, informatique, cartouches d'encre et fournitures de bureaux. Rendez-vous dans nos magasins et sur bureau-vallée.fr. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'aventure hydroélectrique de la baie James. C'est quoi vivre dans cette région-ci? C'est difficile? C'est difficile, oui. Oui, c'est difficile. Ça dépend. Si ça fait longtemps qu'on est ici, c'est moins dur. Mais comme la première fois qu'on monte, là, je dois dire que c'est assez dur. Hein, parce qu'on est isolé. On est isolé de presque tout. Puis, il n'y a pas de femme non plus, ça aide pas. On vient ici pourquoi? Ben, d'habitude, c'est pour gagner de l'argent. Je connais pas grand monde qui sont ici pour d'autres raisons que ça. Un travailleur de la baie James qui témoigne des difficultés de travailler dans le Nord québécois à l'émission La Semaine verte en 1973. Au total, 200 000 travailleurs vont participer à la construction des différentes centrales hydroélectriques de la baie James au fil du temps. Il faut dire que ce chantier colossal va s'échelonner sur quelques décennies et au plus fort des travaux, entre 1977 et 1981, on va compter jusqu'à 24 000 travailleurs à la baie James. Je suis en mesure d'annoncer que les travaux de la baie James pourront être entrepris sans délai. Et ceci veut dire une contribution considérable et spectaculaire au développement économique du Québec. C'est sans contredit l'un des gestes les plus importants et probablement le plus important par n'importe lequel gouvernement du Québec pour relancer l'économie. C'est un projet de quelques 5 milliards de dollars qui non seulement contribuera à développer le Nord et le Nord-Ouest du Québec, mais également toutes les autres régions, puisque ceci veut dire des contrats ou des sous-contrats pour toutes les régions du Québec, que ce soit sous forme d'alternateurs, de turbines, d'appareillage électrique. Donc, c'est certainement un projet qui va constituer, si on peut dire, la clé de la relance économique. Et parce que ça va contribuer à cette relance économique, ça va favoriser le progrès social, la stabilité politique. Alors là, il y a certainement ce soir, dans l'annonce du projet de la baie James, un tournant dans l'histoire économique du Québec. Et je suis convaincu que toutes les retombées économiques vont permettre aux Québécois enfin d'avoir une prospérité qui soit comparable à celle de leurs voisins, que ce soit du Sud ou de l'Est. Le premier ministre du Québec, Robert Bourassa, au téléjournal du 30 avril 1971, pour nous raconter à quoi a ressemblé cette aventure de la baie James, pour nous rappeler aussi le contexte qui a conduit le gouvernement de Robert Bourassa à se lancer dans ce projet démesuré. Je reçois le journaliste Jean-Benoît Nadeau, qui a publié récemment le livre « Branché, Hydro-Québec et le futur de l'électricité ». Jean-Benoît Nadeau, bonjour. Bonjour. Alors, ça représente quoi, Jean-Benoît Nadeau, ce projet de la baie James? J'ai envie de dire, en termes de gigantisme, de grandeur d'ambition à l'échelle du Québec, fallait être un peu fou quand même pour se lancer dans un projet comme celui-là, non? C'était des travaux d'une échelle pharaonique. Là. On parle de 1500 kilomètres de route à construire dans la taïga, des dizaines de ponts, 5 aéroports, 5 villages, 11 campements, des dizaines de campements d'exploitation, beaucoup plus petits, des milliers de machines. Puis on ne parle même pas des structures temporaires, là, les routes de glace, les ponts de glace, les pistes d'atterrissage de glace qu'ils ont dû faire. Pourquoi est-ce qu'on est allé si loin? C'est à 1500 km de Montréal. Bien, c'est parce que la Grande Rivière, la Grande, c'est un fleuve. C'est pas une rivière, c'est un fleuve. C'est le deuxième en importance au Québec. Puis ça coule à 700 km de Montréal. C'est un débit dénivelé. Géologie tellement favorable qu'on va pouvoir installer 8 centrales là. Puis la baie James, en général, va fournir la moitié de l'électricité québécoise. Donc, un potentiel énorme, un potentiel qui en valait le coup et qui a valu ses efforts vraiment colossaux pour y arriver. Notre principal objectif, l'objectif que nous considérons prioritaire pour le Québec, pour la société québécoise, c'est de créer 100 000 nouveaux emplois durant l'année 1971. C'est une nécessité immédiate. Quand on voit le taux de chômage actuel, quand on voit que jamais nous avons eu autant de chômeurs au Québec, quand on voit que dans certaines régions, il y a 25 % de chômeurs, c'est une évidence qu'il faut accorder la priorité à cet objectif de créer des emplois. Ce n'est pas irréaliste. En 65, on en a créé 85 000. En 66, on en a créé 106 000, 105 000. C'est donc un objectif qui est réalisable. On a été capable de le faire avec l'Expo 67. Pourquoi on ne serait pas capable de le répéter? C'est ça notre priorité à nous du Parti libéral. C'est de préparer la création de ces 100 000 nouveaux emplois au cours de l'année 71. Robert Bourassa, le 3 avril 1970, en pleine campagne électorale, cette campagne qui va le porter au pouvoir le 29 avril suivant, dans quel contexte le Québec s'engage-t-il donc dans la construction des centrales hydroélectriques de la baie James, Jean-Benoît Nadeau? Bien, au moment où Robert Bourassa annonce le projet du siècle, là, en 71, ça fait déjà un moment que Hydro-Québec et le gouvernement savent que Québec va manquer d'électricité. Hydro-Québec a du mal à combler la demande. D'ailleurs, le retard électrique du Québec, le potentiel du Québec est sous-exploité, puis c'est ce qui a présidé, c'était un des motifs de la nationalisation de 63 par René Lévesque. Mais on sait aussi que la demande est tellement forte que les méga-projets en cours, ça c'est Manic-Outard, puis Churchill Falls, suffiront pas à répondre à la demande. Donc il faut quelque chose. Mais c'est un projet qui, je l'ai dit tantôt, pharaonique, mais qui est une course aussi. Parce qu'il faut le faire en 10 ans. Et ce que Robert Bourassa dit pas, c'est qu'on sait pratiquement rien du territoire. On n'a pas de carte, pas de photos aériennes, pas de route, rien. Quand la route débute en 71, on sait même pas où vont être les barrages. En fait, on parle d'un projet de Baie James, mais il y en a deux. En fait, il y a deux gros sous-projets. Il y a le projet du Sud, ça c'est les rivières Nottawé, Broadback, Rupert, plus proche de Montréal, dans le Sud. Mais en 71-72, les études d'exploration montrent que le terrain n'est pas très bon. La géologie est mauvaise, le terrain n'a pas assez de relief, les sols sont trop argileux. Puis en fait, le projet qui est le plus logique, techniquement, exploitable, c'est le projet loin au nord, celui de la Grande. Ouais. Et c'est un an après l'étude de Robert Bourassa qu'on décide qu'il faut prolonger la route. Ouais. Donc, ça montre. Et le 10 ans dont vous parlez, c'est qu'on sait qu'on va manquer d'énergie. Là. C'est ça, le 10 ans dont vous parlez. Il faut que ce soit construit, ça, pour qu'on ne manque pas d'électricité dans les 10 années qui viennent. Les études le montrent toutes que sur une période d'environ 10 ans, 80-81, Hydro-Québec va manquer d'électricité. Et là, il faudra l'acheter. Faudra faire, soit si on n'est pas de centrale hydroélectrique, il faut faire des centrales thermiques, ouais. Peut-être du nucléaire. Cela dit, il y a ces études qui montrent qu'on a besoin d'électricité, qu'on va manquer d'électricité, mais ce choix-là, le choix que fait Bourassa de construire des centrales hydroélectriques, en plus si loin dans le nord du Québec, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Il y a des gens qui s'opposent à ça à ce moment-là. Pourquoi et qui sont les opposants au projet de la baie James? Bien, dans la biographie de Robert Boyd, l'ancien président d'Hydro-Québec, écrite par André Robolduc, on fait le tour des objections. Le projet était vraiment pas populaire à l'époque dans les médias. D'abord, il y avait des raisons économiques. On trouvait que c'était très cher. On trouvait que ça créerait des surplus. On disait, comme aujourd'hui, on dirait pour des projets similaires, qu'on construit ça pour faire des exportations. Mmh. Une autre inquiétude très originale à l'époque, c'était nouveau. On se préoccupait de l'aspect négatif sur le mode de vie des Autochtones et sur l'écosystème. C'est nouveau à l'époque. Mais ce qui nous paraît de nos jours bizarre, c'est qu'il y avait un très fort lobby chez les ingénieurs et les économistes notamment, le Parti québécois, pour le nucléaire. Oui. On disait essentiellement, le nucléaire, c'est moderne, ça sert à rien de faire la baie James, construisons des centrales sur le long du Saint-Laurent, là, à toutes les 150 ou 75 kilomètres, puis on aura toute l'électricité qu'il nous faut avec beaucoup moins de troubles. Puis Jacques Parizeau, qui était un grand défendeur du nucléaire, disait « C'est pas parce qu'une rivière est canadienne, française et catholique qu'il faut mettre un barrage dessus. » Mais finalement, vers 76, le Parti québécois, notamment, a changé son fusil d'épaule. Les coûts du nucléaire devenaient faramineux. On voyait très bien que... puis c'était dominé par l'Ontario, ce qui on n'aimait pas beaucoup au Parti québécois. Il y a eu la crise du pétrole aussi qui a fait augmenter, qui a fait démarrer l'inflation en grande et qui a beaucoup augmenté les coûts des énergies thermiques, dont nucléaire. Et donc, tout ça a réduit l'opposition au projet. L'a rendu plus acceptable. Ouais. Et puis le chantier, lui, il commence avant l'élection du Parti québécois. En 76, il commence en 71. On y revient avec ce travail, vous nous en avez parlé, qui est gigantesque. En fait, tout est à construire, même pour s'y rendre sur ce site-là. On écoute à ce sujet le témoignage d'un camionneur interviewé par Claude Desbiens à l'édition québécoise L'émission Présent en mars 1973. J'arrive justement de la Virginie avec mon truck, là. Je suis parti Mercredi passé, à 3h30 l'après-midi, j'arrive, là. Puis je retournerai jamais là de ma vie avec mon camion. Pour quelle raison? La raison que c'est impossible, tu peux pas passer à pied, mais tu peux que passer avec un camion. Mais tu vas aller travailler là, vous? Non, avec mon camion, monte un voyage de ciment, là, pour ouais. Redémarrer, c'est du bon monde, des bons veilleux, mais c'est pas la question, il n'y a plus de chemin, puis on monte pareil. Peut-être monter sur la route d'hiver, vous, hein? La route d'hiver, c'est ça. Le trajet, c'est impossible. Quelqu'un qui monte en avion, là, c'est parfait. Mais il va être amélioré, bien sûr, la route. Oui, mais on va pas te voir du jour au lendemain. Ah oui, mais c'est ça. Mais vous, vous plaignez, mais quand même, on va la construire, cette route-là, mais on va l'améliorer. Puis quand tu montes là, tu dors sur ton siège tout le long du chemin. Tu vas en descendre. C'est dur, hein? Ou... C'est dur. Mais seulement que le projet est beau, là, dans ce bout-là. Donc, ce projet-là, on l'entend avec cet extrait, là, ce témoignage de camionneur Jean-Benoît Nadeau. Ce projet-là, ce que ça veut dire, la construction pour se rendre à la baie James, le chantier, c'est vraiment énorme. C'est des années de travail. Comment ça va se dérouler? Puis ça va se dérouler sur plusieurs étapes, évidemment, la construction de la baie James, des différentes centrales de la baie James. Comment ça se déroule? Il y a eu comme trois grandes étapes hydroélectriques, mais il y a eu une étape préparatoire qui est l'étape de la route en réalité, puis des camps d'exploration et d'arpentage. Parce que pour atteindre la Grande Rivière, il faut construire 725 km de route, puis on a 420 jours pour le faire, en excluant les journées d'hiver où c'est gelé, où on ne peut pas vraiment avancer. On peut utiliser des ponts de glace et des routes de glace pour amener du matériel, mais il en manque tellement de temps qu'on est obligé de construire plusieurs sections et plusieurs ponts en même temps. Donc, on déplace beaucoup de matériel l'hiver pour être capable de travailler sur place l'été. Puis, on disperse un peu partout sur le territoire des camps d'exploration. Il y en a des dizaines. Jusqu'en 1975, en fait, il va y avoir 26 camps de pionniers qui logent 1800 hommes, on disait des hommes à l'époque, là, sont reliés avec 65 hélicoptères, 30 avions, un avion cargo Hercule qui se pose sur la glace, 25 tonnes d'avions qui se posent sur un lac gelé. Des conditions extrêmement difficiles, feux de forêt, l'été, moustiques, l'hiver, des froids sibériens, isolement, absence de communication terrestre, pas de route. Communication radio difficile, une fois par semaine au mieux, pas d'électricité, pas d'énergie. Il faut tout amener. Un avion qui va amener 3 barils de pétrole va en consommer 2. Puis c'est fou comme ça. Et là, on est encore en phase préparatoire. Là. Oui. Et là, en 74, ça commence. Là, la route est faite. Les chantiers commencent à se mettre en branle progressivement. À LG2, où il y avait 150 personnes en 71, ils sont rendus 450 en 73, 7400 en 76, et là, le gros boom, 1977, 21 000 personnes. La phase 1 de la baie James, c'est LG2-3-4. C'est la dérivation de la rivière Kanyapisco aux confins du Labrador. C'est la dérivation de la rivière Eastman dans le sud. Il va y avoir au sommet là, 27 000 personnes qui vont travailler là. Phase 2, c'est à partir de 85 jusqu'en 96, ça c'est LG1, LG2A, qui est la deuxième centrale du barrage. La forge 1, la forge 2, brisée. Puis la phase 3 arrive plus tard, en 2002 jusqu'en 2013, ça c'est après la paix des Braves. Oui. Là, on va faire Eastman 1A, Eastman 1A, Sarcelles. Là, il va y avoir moins de gens au chantier. Là. Oui. C'est plus petit. Mais la phase 1 est réellement spectaculaire. Voilà, avec au pic, comme vous le disiez, 27 000 travailleurs, ça fait du monde. À quoi ça ressemble, la vie, très concrètement, à la baie James? On écoute à ce propos, pour tous ces travailleurs, on écoute à ce propos le témoignage de l'arpenteur Jean-Marc Lachance au micro de Jean-François Lépine à l'édition québécoise de l'émission Présent en mai 1973. Normalement, il doit y avoir 5 personnes par temps. Alors souvent, on pouvait être 6 ou 7, surtout au début, au moment où je suis arrivé, c'est-à-dire en début du mois d'avril. Les tentes sont chauffées maintenant, peut-être mal chauffées. Les tentes ne sont pas équipées au niveau toilette ou lavabo ou quoi que ce soit. À ce moment-là, on doit sortir à l'extérieur de la tente pour soit prendre une douche ou pouvoir avoir accès aux toilettes. On mange en commun, c'est-à-dire tous les employés mais simultanément. On se retrouve environ 150 dans une même salle. Et puis, le repas ressemble à celui qu'on peut prendre dans une cafétéria, c'est-à-dire qu'on passe prendre son repas à un comptoir. C'est plus que souvent mauvais, dans le sens que la nourriture est mal préparée, mal présentée, de mauvaise qualité. la plupart du temps. Alors, les gens s'en sentent. Et qu'est-ce qu'on disait autour de vous? Il y a quand même des gens dans ça qui sont habitués à des camps de ce style-là. Est-ce que c'était la norme? Alors, les gens étaient vraiment étonnés de voir que c'était mal organisé puis que ça ne correspondait vraiment pas à ce qu'ils avaient vécu ailleurs sur la Côte-Nord. Alors, parlons-en de ces conditions de vie des travailleurs de la baie James. Comment ça se passe? Dans quelles conditions ils vivent, ces travailleurs-là, Jean-Benoît Nadeau? Mais à partir de la phase 1, à partir de 1974, là, on assiste à un changement d'échelle. Là. C'est différent de ce que la personne vient de raconter. On a des camps comme celui de l'LGD, il y a 6000 ouvriers là-dedans. En fait, il va y avoir, dans la phase 1 et phase 2, 5 villages, puis 5 villages familiaux et 5 campements de travailleurs. Un campement de travailleurs, c'est 95% d'hommes, 12 hommes par chambre dans des dortoirs préfabriqués. 12 chambres par dortoir, 2 lits par chambre. Il y a tout là-dedans. Il y a de la restauration, de la récréation. Il y a des cinémas, des ateliers, un centre communautaire. Il va y avoir une clinique médicale, une caserne de pompiers. Les villages familiaux, ça, c'est une autre histoire. Ça, ça regroupe les familles dans des maisons mobiles. Et puis, il va en avoir 5. Il va y avoir Radisson. Il va avoir, le plus gros va être Radisson. 2000 habitants dans 538 maisons. Sacarmi, Kellyano, les Melaises. Ça, Radisson, c'est le chef-lieu. Mm-hmm. L'hôpital, l'hôtel de ville, centre universitaire, station de radio, service touristique, hôtel avec chambre, restaurant, des bars, une épicerie, vêtements qui vend des électroménagers et tout. Là. C'est une autre échelle. Donc, ces villages-là, les 5 villages, ça ressemble à un vrai village, en guillemets. Cela dit, au tout début de l'émission, le témoignage du travailleur qu'on entendait nous parlait de la difficulté, de la solitude d'être à la baie James. C'est très loin, c'est isolé. À quoi ça ressemble au quotidien, cette vie à la baie James? Pendant la phase 1 et la phase 2, là, le Hydro-Québec, la Société de développement de la baie James, mettent le paquet au niveau des loisirs, des distractions. Pour la nourriture, pour les services et tout ça. Les repas, on mange il y a 3 choix de repas à tous les jours dans des cafétérias capables de servir 5000 repas en 90 minutes. Un déjeuner en 76, c'est 900 douzaines d'œufs, 250 kilos de bacon puis 13 000 rôtis. Ça, c'est juste la nourriture. Les services, ben la première taverne arrive en 73 et ça devient permanent l'année suivante. Il va y avoir 14 tavernes dans les campements d'Hydro-Québec. On le voit d'ailleurs sur des photos qu'il y avait bien des verres sur les tables. Un magasin général qui vend des magnétophones, des cassettes, du zéro pour la toux. Il va y avoir des bureaux de poste, succursales bancaires, cinéma, jeux de quilles, terrain de baseball, gymnase tout équipé, des centres récréatifs, une chapelle. Il va y avoir des loisirs. Au village même, dans les 5 villages, il y a 5 centres de ski, avec des remontées mécaniques, l'éclairage nocturne, des chalets. Il y a un club de golf à la grande. Dans les centres récréatifs, on peut tout faire. On peut faire du karaté, du sport. Il y a même un club de plongée sous-marine. Ouais. Donc, il y a vraiment tout, là. Ouais. Alors, vous le disiez très, très largement des hommes, hein, les travailleurs de la baie James. Qui sont ces travailleurs? En gros, là, qui sont ces travailleurs de la baie James? Beaucoup de travailleurs des régions éloignées, des gens qui font tous les métiers de la construction, mais des services aussi pour gérer, entretenir les camps. Montréal est la moitié de l'industrie de la construction, mais il représente seulement 32% des travailleurs. À l'inverse, la Gaspésie, 14% des travailleurs sont gaspésiens. 41% ont moins de 30 ans, 46% ont entre 30 et 45 ans. On ne gagne pas cher. Les salaires sont les mêmes qu'en bas. On ne disait pas au sud à l'époque, on disait en bas. 8 à 12 $ de l'heure. Les semaines sont longues, des semaines légales de 60 heures, payées à temps et demi pour les dernières 10 heures, puis temps double après 60 heures, imaginez. Ouais. Donc, tout ce beau monde-là est importé. Ça fait des contrats de 6 mois à 1 an, renouvelables 3 ans maximum, et on fait... On a le droit à un week-end de congé en famille à toutes les 8 semaines. Oui. Vous parlez des conditions de travail en disant que c'est pas si payant qu'on l'a souvent dit, la baie James. C'est peut-être ça qui explique, entre autres, ce qui va se passer en 1974. En mars 1974, on assiste à ce qu'on va appeler le saccage de la baie James. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, Jean-Benoît Nadeau? Ah ben, le saccage de la baie James, ça faisait des années que les relations de travail devenaient difficiles dans la construction au Québec à cause des Olympiques, puis... On a découvert après des éléments mafieux qui se sont intégrés dans les syndicats où on pratiquait des guerres de maraudage à coups d'intimidation, de menaces et de bagarres. Ça s'est répandu à la baie James et le 21 mars 1974, ça a éclaté. Il est survenu des troubles suite au congédiement d'un fier à bras. Il y a un type qui s'appelle Yvon Duhamel qui dirigeait qui était le gérant d'affaires d'un syndicat lié à la FTQ qui était là. Il a pris un bélier mécanique, il a détruit l'aqueduc, il a détruit les trois génératrices, il a crevé les deux réservoirs d'essence, il y a une partie du village qui a brûlé. Il a fallu qu'il évacue tous les travailleurs. Il y a eu pour des millions de dommages de dégâts et Duhamel a fait 10 ans de prison. Ça a entraîné la commission Clich, une commission d'enquête où siégeait le juge Clich avec Brian Maroney puis Guy Chevrette. Et beaucoup d'impact là, sur le reste de l'industrie de la construction pour plusieurs années. Ouais, c'est la commission Clich, au fond, qui va un petit peu, donner le cadre qui réglementera l'industrie de la construction après coup. Un tout petit mot avant de nous quitter pour parler. Vous l'avez très, très rapidement évoqué, mais c'est le territoire du Nord, du Grand Nord québécois. La question autochtone. Quelle place va être faite aux Autochtones dans cette aventure de la baie James? En fait, en 1971, on tient tellement pas compte des Autochtones qu'ils ont appris l'existence du projet de la baie James en lisant les journaux. Donc, ils étaient furieux. Ils se sont organisés très rapidement. Ils ont créé leur propre gouvernement, le Grand Conseil des Cris, qui est un gouvernement qui est unifié pour les communautés et qui l'est encore maintenant. Ils ont obtenu une injonction en 73 par laquelle un juge a interrompu le chantier de la baie James en disant « on doit reconnaître les doigts ancestraux ». La Cour d'appel l'a condamné. Finalement, au bout de tout ça, l'année suivante, l'entente de principe a été signée entre le gouvernement du Québec et le Grand Conseil des Cris, qui a fait que les Cris ont accepté un partage du territoire pour le développement de la baie James, moyennant compensation financière et quelques droits. Mais la relation est restée acrimonieuse. Oui. Les Cris n'étaient pas dans les chantiers. Il faudra attendre appel après des braves en 2002 pour qu'on règle la plupart des contentieux après Grande Baleine, après toute une série d'une escalade assez dure entre le gouvernement du Québec et les Cris. Ouais. Mais en 2002, quand les chantiers reprennent à Eastman, il y a 600 Cris pour 2400 travailleurs. Ouais. C'est une autre histoire, une autre époque. Jean-Benoît Nadeau, c'était palpitant, intéressant de vous entendre refaire pour nous ce récit de l'aventure de la baie James, journaliste et auteur, je le rappelle, de l'ouvrage Branché, Hydro-Québec et le futur de l'électricité. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.